الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مناقب أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه زهده في الدنيا وإقباله على عبادة ربه سبحانه وتعالى. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: أي سلمان، ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما ذهب كان الليل، ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له: نم. فنام حتى، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. والحديث عند الإمام البخاري، وهذا يبين لك حقيقة الأخ والصديق، فهو الذي يذكرك بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. إذا غفلت يذكرك بما أوجب الله عليك. ولك أن تنظر هذه سلمان عندما رأى أم الدرداء متبدلة، أي لابسة ثياب المهنة ولا تهتم بشكلها ألا بمظهرها، فسألها عن الأمر فأجابته أنها أخاه أبو الدرداء لا حاجة له بالنساء، كأنها تقول لا حاجة له بالنساء، فهو يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم الليل ويصوم النهار، أي هو مشتغل بعبادة ربه سبحانه وتعالى، ها، يكون مشتغلا بشيء آخر. ومع ذلك ذكره سلمان بما أوجب الله عليه، فقال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه، رضي الله عنهم اجمعين. ولهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لنا وأسوة لنا في كل شيء رضوان الله عليهم. في partie aussi des qualités de Abu Darda رضي الله عنه وارضاه، Abu Darda رضي الله عنه وارضاه il était détourné de ce bas monde complètement et orienté vers l'adoration de son souverain subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de Salman et d'Abu Darda des frères. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il a lié les Muhajirin et l'Ansar, il a fait les frères, que certains soient les frères de d'autres, etc. Abu Darda, Salman a été le frère d'Abu Darda. Salman est venu un jour visiter Abu Darda, il a remarqué qu'Abu Darda était négligé. Abu Darda ne donnait aucune importance à son apparence. Il lui a dit: qu'est-ce que tu as? Abu Darda lui a répondu: ton frère Abu Darda n'a rien à faire de ce bas monde. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire, hein, des femmes ni quoi que ce soit. Il jeûne le jour et veille en prière la nuit. Regardez à quoi il est occupé. Il est occupé à l'adoration d'Allah. Il jeûne le jour et il prie les prières nocturnes. Hein. Abu Darda est arrivé et il a ramené de la nourriture à Salman. Il lui a dit: mange, moi je jeûne. Salman lui a dit: je mangerai quand tu mangeras. Quand la nuit est arrivée, Abu Darda s'est levé pour aller prier. Salman lui a dit: va te coucher. Redors-toi, va dormir. Et il s'est couché, radiallahu anhu arda. Et à l'abus de temps, il passait et après il s'est relevé. Et Salman lui a dit: va te coucher. hein, encore une deuxième fois. Et quand est arrivée la fin de la nuit, le dernier tiers de la nuit, Salman a dit à Abu Darda, lève-toi maintenant. Ils ont prié ce qu'ils ont prié comme prière nocturne, et après ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Darda, avant de partir, Salman a dit à Abu Darda, certes, ton souverain a des droits sur toi, et ton âme et ton corps a des droits sur toi, et ta famille a des droits sur toi. Donc acquitte-toi du droit de chaque ayant droit. Et ils sont allés chez le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Darda a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Salman. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salman a dit vrai. Salman a dit vrai. C'est sûr, nos corps ont des droits sur nous. Hein? Et nos familles aussi ont des droits. Et il y a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout ça. Et donc, nous devons nous acquitter de tous les droits. Et là, on doit remarquer une chose très importante, c'est, regarde le réel frère, le réel compagnon, comment il est. C'est celui qui te rappelle les droits duquel que tu négliges. Que ce soit les droits d'Allah, que ce soit les droits de ton corps, que ce soit les droits de ta famille, de tes enfants. Hada, c'est le frère. Si tu le trouves, c'est comme le soufre rouge. Il est rare. Donc il faut que tu mordes dessus. Il faut que tu t'attaches à lui. Que tu le retiens. Que tu tiens à sa compagnie. Parce que celui-là, il veut ton bien. Il te rappelle le droit d'Allah. Il te rappelle le droit du messager. Il te rappelle le droit de ton corps, de ta famille, et ainsi de suite. Donc tu ne dois pas le perdre. Et ça, c'est le réel compagnon et le réel frère qu'il faut chercher. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجر فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد لا تخطئني فيه صلاة أربح في كل يوم 40 دينارا وأتصدق بها كلها في سبيل الله قيل له يا أبا الدرداء وما تكره في ذلك من ذلك قال شدة الحساب رواه أبو نعيم في الحلية أي يوم القيامة سيحاسبني ربي على هذا المال ويسألني عنه سؤالين أين وفيما المال حلال حساب حلاله حساب وحرامه عذاب فلا بد أن يسألنا الله سبحانه وتعالى من أين اكتسبتموه وفيما أنفقتموه فلا بد سواء من الحلال لا بد من الحساب في قضية المال وقال رضي الله عنه وارضاه وما يسرني أني على أن أقوم على الدرج من باب المسجد فأبيع وأشتري فأصيب كل يوم 300 دينار وأشهد الصلاة كلها في المسجد لا أقول إن الله تعالى لم يحل البيع ويحرم الربا ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هذا كذلك ذكره صاحب الحلية رحمهم الله جميعا ورضي الله عن الصحب الكرام تأمل أخ الإسلام مجد من تنو كمو ها ici complètement détourné de ce monde de ce bas monde etc. Abu Darda a dit le messager d'Allah a été envoyé alors que j'étais commerçant quand il est rentré à Médine Le prophète, alayhi salam, Abu Darda, était commerçant. J'ai voulu réunir entre le commerce et l'adoration d'Allah, je n'ai pas pu le faire. J'ai refusé le commerce et je me suis consacré à l'adoration. Par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'aimerais pas aujourd'hui avoir une boutique devant la porte de la mosquée. Je ne rate aucune prière et je gagne chaque jour 40 dinars et je les donne au monde sur le sentier d'Allah. On lui a dit, Ya Abu Darda, qu'est-ce que tu détestes en cela? Pourquoi? Hein? Il a dit, la dureté des comptes. Il a dit la dureté des comptes, ce qui veut dire, Allah me demandera des comptes le jour de la résurrection pour cet argent. Et il me posera deux questions, d'où tu l'as eu et où tu l'as dépensé. Et cette question sera posée à chacun de nous pour la fortune qu'il aura et pour l'argent qu'il a eu. Comment tu l'as eu et comment tu et où tu l'as dépensé. Le licite, il dit, radiallahu anhu arda, le licite de l'argent n'échappe pas au compte. Et l'illicite de l'argent mérite le châtiment. Et il a dit, radiallahu anhu arda, je ne serai pas heureux. En étant devant la mosquée, je vends et j'achète et je gagne chaque jour 300 dinars tout en priant toutes les prières à la mosquée. Je ne dis pas qu'Allah n'a pas autorisé le commerce. Et je ne dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit le riba. Mais j'aimerais être parmi ceux qui ne se distraient pas. Qui ne se distraient par aucun négoce, ni transaction. Hein? Il ne se distrait pas de quoi? De la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il cherchait, radiyallahu anhu wa ardah. وقال أبو الدرداء وهو ينادي أهل دمشق يا أهل دمشق فلما أقبلوا عليه قال ألا تستحيون قالها ثلاث مرات ألا تستحيون تجمعون مالا تأكلون وتأملون ما لا تدركون وتبنون ما لا تسكنون ألا إنه قد كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويأملون فيطيلون ويبنون فيوثقون فأصبح جمعهم بورا وأصبح أملهم غرورا وأصبحت منازلهم قبورا ألا إن عادا ملأت ما بين عادا وعمان نعما وأموالا فمن يشتري منكم مال عاد بدرهمين رواه صاحب الحلية. انظر كيف يذكرهم بمن سبق قبلهم من جمعوا أموال وثروات وبنوا ما لا يستطيع أن يبنيه الناس اليوم هذه عاد وتمود أوتيت قوة لم يؤتها أحد وانظر كيف ماذا قال لهم تجمعون ما تأكلون ها وتأملون أي ها تأملون ما لا تدركون عندكم أمل طويل في هذه الدنيا وتبنون بنايات لا تسكنونها ها؟ رضي الله عنه وارضاه قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين قالوا من أشد منا قوة أين هم ذهبوا أين أموالهم أين مساكنهم ذهبت ومع ذلك افتتن الناس في زماننا هذا بالدنيا وبالبناء ولم يتعظوا بعاد وبأمثال عاد ولهذا رضي الله عنه وارضاه قال لهم إن عادا ملأت بين عاد وعمان ذكرهم بما كانت عليه عاد لكي يتذكروا ولكي يتعظوا وهذا من حب الخير لأمة الإسلام رضي الله عنه وارضاه إيه أبو الدرداء أدي Il a appelé les habitants de Damas, les hauts habitants de Damas. Et quand ils se sont réunis autour de lui, il a dit, vous n'avez pas honte, il l'a dit trois fois. Vous amassez ce que vous allez manger et vous vous projetez dans ce que vous n'allez pas atteindre. Et vous avez beaucoup de souhaits pour l'avenir. Et vous construisez ce que vous n'allez pas habiter. Et il leur a rappelé, il leur a dit, avant vous, il y avait des générations qui ont amassé beaucoup. et qui avait beaucoup d'espoir et de souhait concernant l'avenir et qui se projetait beaucoup dans l'avenir et qui ont construit des constructions solides. Tout ce qu'ils ont amassé a tari et leurs souhaits se sont évaporés et leurs demeures ce sont des tombes. Le peuple de Ad a rempli, il leur a dit, le peuple de Ad a rempli entre Adan et Amman, par beaucoup, il a rempli, il a fait beaucoup de bien au niveau construction, au niveau de la fortune, etc. Entre Adan et Amman. Et ils ont amassé beaucoup d'argent. Et il les a appelés, il les a dit, qui parmi vous achèterait aujourd'hui la fortune de Ad avec 2 dirhams, puisque tout y a été détruit. Qui voudrait l'acheter avec 2 dirhams, avec 2 sous, hein? Le peuple de Ad, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, dont la puissance fait son pareil dans ce bas monde. Le peuple de Ad, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, on dit qui est plus fort que nous, hein? Et ils construisaient des constructions que nos générations maintenant sont incapables de construire, les constructions que construisait le peuple de Ad. Hein? Où sont-ils maintenant? Où est leur fortune? Où sont leurs demeures? Et avec tous ces exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés dans le Coran, tu vois que nos contemporains, hein, rivalisent dans les constructions de maisons qu'ils n'habiteront même pas. Hein? Ils rivalisent dans les choses mondaines. Et beaucoup parmi nous n'ont pas appris les leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans le Coran. Ces leçons de ces communautés qui sont passées avant nous, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté leurs histoires, c'est pour prendre la leçon et pour ne pas tomber dans les mêmes choses dans lesquelles ils sont tombés. Wa min mawaqifihi radiyallahu anhu wa arda, yaqul Jubair ibn Nufair, لما افتتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا كما ترى رواه أبو نعيم في الحلية وكأنه رضي الله عنه وارضاه يقول أخشى على الأمة الإسلامية إن إذا تركوا دينهم نزل بهم ما نزل بمن قبلهم هذا الذي يريده أبو الدرداء وصدق أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه فما نزل بالأمة اليوم من الذل والهوان إلا بعد أن تركوا دينهم وتركوا منهج نبيهم ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم إحسان ليوم الدين ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أن هذا الذل لن يرفع عن هذه الأمة قال رضي الله صلوات ربي وسلامه حتى سلط الله عليكم دلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم والرجوع إلى الدين ليس من أمر السهل أن هنا الكافتاف المخاطب حتى ترجعوا إلى دينكم الرسول يخاطب ها كاف هذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم من كان أمامه أبا بكر وعمر وهذا يقول أهل العلم أن الدل إذا نزل والضعف والهوان إذا نزل بالأمة لا ينزع عنها حتى ترجع إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام رضوان الله عليهم وإلا لن ينزع هذا الدل ولن يحل مكانه شرف إلا إذا رجعت الأمة إلى الدين الذي كان عليه أولئكم الكرام لبوزيسيون دابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه نسوم نومبروز. Quand on médite celle de la conquête qu'il a eue durant la conquête, pendant la conquête de Chypre. Jubair ibn Nufair dit, il y a eu la conquête de Chypre. Ses habitants ont pleuré la séparation avec les leurs. Et j'ai vu Abu Darda dans un coin, assis tout seul, en train de pleurer. Je lui dis, pourquoi tu pleures lors d'une journée où Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'islam et les musulmans? D'accord, par cette conquête qu'ils ont eu du Chypre. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, malheur à toi, ya Joubeir. Malheur à toi, ô Joubeir. Combien les gens ne valent rien auprès d'Allah quand ils délaissent les ordres d'Allah. Alors que c'était une communauté forte, ils avaient le pouvoir, ils ont délaissé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus ce que tu vois. Hein? Comme si Abu Darda ne disait, et disait à la communauté, j'ai peur pour la communauté musulmane, s'ils délaissent la religion d'Allah, qu'il ne leur arrive ce qui est arrivé à ceux qui les ont précédés. L'avilissement, le déshonneur, tout. Hein? Et il a dit vrai, radiyallahu anhu wa arda. Méditez cette faiblesse dans laquelle se trouve la communauté actuellement. Hein? Pourquoi? Et regardez comment beaucoup de cette communauté, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce sainte miséricorde, sont loin de la voie de Mohammed alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons d'Allah alayhi. Et on ne pourra pas sortir de ce déshonneur, de cette humiliation, de cette faiblesse, que si on revient à la voie sur laquelle étaient ses nobles compagnons, Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. C'est pour cela que le messager alayhi salatu salam, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, authentifié par Sheikh Nasr Dil Albani, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anhu. Dans ce hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que si la communauté s'éloigne de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier d'une grave humiliation, et que cette humiliation ne sera dissipée de la communauté que s'ils reviennent à leur religion. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une expression. Il a dit, Allah vous rabaissera, vous humiliera jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et le vôtre ici est très important dans la compréhension de ce hadith. Disent les hommes de science, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à des gens qui étaient devant lui. Et il a dit, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et qui était devant lui à ce moment-là? Les nobles compagnons d'Allah alayhim. Ce qui veut dire que si la communauté veut maintenant sortir de l'humiliation et de la faiblesse et du déshonneur dans laquelle ils se retrouvent, ben il faut que la communauté revienne à la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons d'Allah alayhim. Sans ça, aucune. أما مواعظه رضي الله عنه وارضاه فهي كثيرة يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت لما أكلتم طعاما بشهوة لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون به ولا خرجتم من الصعادات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم لوددت أنني شجرة تعضد ثم تؤكل رواه الإمام أحمد في الزهد لو نعلم حقيقة ما ينتظرنا بعد الموت في القبر وبعده الحاشر والحساب والجزاء لا شك أن الأمر سيكون كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لن نتمتع لا بأكل ولا بشراب ولا بنوم ولا بجمع الزوجات ولكن نحن في غفلة فرضي الله عن أبي الدرداء وقال رضي الله عنه وأرضاه من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده والحسد هذا مرض خطير جدا إرادة زوال النعمة عن الآخرين من أخطر الأمراض فقال من أكثر ذكر الموت قل فرحه بهذه الدنيا وقل حسده كذلك هذا ذكره صاحب الحلية وقال رضي الله عنه وارضاه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل بالدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك من أفيه ولا يدري أساخط ربه أم راض. وأبكاني هول المطلع، أي ما سيكون يوم القيامة، وانقطاع العمل، أي دامة الإنسان قطع عمله، وموقفي بين يدي الله لا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. أيؤمر بي؟ وهذا صحابي جليل يقول هذا الكلام، فما بالنا نحن الضعفاء، ماذا عسانا أن نقول؟ Et quant à ces exhortations, ils sont nombreuses. Abu Darda a dit, si vous savez ce que vous allez avoir, ce que vous allez voir après la mort, vous n'aurez plus de plaisir à manger une nourriture, ni à boire une boisson. Et vous n'allez pas vous abriter dans vos demeures, mais vous allez errer sur terre en frappant vos poitrines et en pleurant sur vous-même. J'aurais préféré être un arbre qu'on coupe et qu'on consomme. Et ceci est rapporté par Abu Nu'aym dans le Hilya. Certes, si on savait réellement ce qui nous attend après la mort, et que nos cœurs l'ont réellement capté, ce qui nous attend après la mort, et ce qui va suivre le jour de la résurrection, les comptes, le châtiment, les récompenses, on ne pourrait jamais manger avec plaisir quoi que ce soit, ni boire avec plaisir quoi que ce soit, ni avoir des rapports avec nos femmes, ni rien du tout ça. Hein? Mais nous sommes dans une grande insouciance. Et il a dit, radiyallahu anhu wa arda, celui qui se rappelle beaucoup la mort, sa joie diminuerait, ainsi que sa jalousie. Et la jalousie, c'est une grande maladie. Le fait de vouloir la disparition du bien de quelqu'un et d'être jaloux de quelqu'un, hein, ça, c'est une grande maladie du cœur. Et regardez avec quoi s'en débarrasser, se rappeler la mort. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, trois choses m'ont fait rire et trois choses m'ont fait pleurer. Il dit, les trois choses qui m'ont fait rire, premièrement, quelqu'un qui a de grands souhaits et qui se projette dans l'avenir, alors que la mort est derrière lui. La deuxième, un insouciant qui ne sera pas oublié. Il y a insouciant de ce qui va arriver. Et il n'est pas oublié par l'ange de la mort, ni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mort est derrière lui. Hein? Et les comptes, il va devoir rendre des comptes. Et malgré tout ça, il est insouciant. Et il a dit le troisième, la troisième chose qui l'a fait rigoler, quelqu'un qui rigole, hein, qui rigole fortement, et qui ne sait pas si son souverain le maudit, ou si son souverain est satisfait de lui. Mais il rigole. Hein. Et les trois choses, il a dit les trois choses qui m'ont fait pleurer, les horreurs du jour de la résurrection. Tout ce qui va, ces événements horribles qui vont se passer le jour de la résurrection. La deuxième, la fin des œuvres, c'est-à-dire, une fois dans la tombe, c'est terminé, il n'y a plus d'œuvres. Et la troisième, ma position devant Allah, je ne sais pas si je serai au paradis ou en enfer. Abu Darda, il dit ça, alors qu'il suit la noble compagnon. Et tous les compagnons sont dignes de confiance. Il leur a été promis le paradis. Ils ont réuni toutes les conditions pour la satisfaction. Hein? Qu'il aura prévalu la satisfaction d'Allah. Et il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire à notre niveau maintenant? Nous les faibles. Hein? Et il a dit, « Wa qala radiyallahu anhu wa arda, akhwaf ma akhafu yawm al-qiyama an yuqala li, a'alimta am jahilta ?» فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجلة إلا أخذت بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت؟ هل عملت بما فيها؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ هل انتهيت عما نهتك؟ قال فأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وهذا ذكره صاحب صفوة الصفوة. وقال رضي الله عنه وارضاه: يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك، لا تتكبر، طأ الأرض بقدمك، ها، فإنها عن قليل ستكون قبرك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. إلدي رضي الله عنه وارضاه dans ses exhortations. Ce que je crains le plus le jour de la résurrection, c'est qu'on me dise: est-ce que tu as eu du savoir, est-ce que tu as acquis de la science, ou tu es ignorant? Si je dis j'ai acquis la science, donc chaque verset dans lequel il y a un ordre ou une interdiction, et chaque verset dans lequel il y a une interdiction, il me sera posé la question suivante: est-ce que tu as mis en application l'ordre qu'il y a dans le verset, et est-ce que tu t'es abstenu de l'interdiction qu'il y a dans le verset? Il dit, radiyallahu anhu arda, je cherche refuge auprès d'Allah d'une science qui n'est pas bénéfique, c'est-à-dire qu'on ne met pas en application, et d'une âme, hein, qui ne se rassasie pas, et d'un dua qui n'est pas exaucé. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, ô descendant d'Adam, reste les pieds sur terre, et ne sois pas orgueilleux, hein. Dans peu de temps, il sera ta tombe, c'est-à-dire sur cette terre que tu foules avec tes pieds. Dans peu de temps, tu seras à l'intérieur de cette terre. Il sera ta tombe. Et il a dit, ô descendant d'Adam, tu es en train de détruire ton âge, ta vie, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Chaque jour qui passe, khalas, il est fini de ta vie. قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول: من يعمل لمثل يوم هذا؟ من يعمل لمثل ساعة هذه؟ من يعمل لمثل مضجع هذا؟ ثم يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلك، فقال: أجلس إلى قوم يذكرونني معادي، وإذا قمت عنهم لم يغتابوني. انظر ماذا كان يقول وهو على فراش الموت، وانظر كيف أين يذهب لكي يتعظ، ها، ولكي يتذكر مآله ومصيره. أم الدرداء كالله سبحانه وتعالى لاغري أديك أبو الدرداء quand il était sur le lit de mort, il était en train de mourir, il disait: qui œuvre pour ce que je vis actuellement? Sur le lit de mort, il est en train d'exhorter les gens et de les orienter vers ce qui va leur prévaloir, l'agrément d'Allah. Qui œuvre pour ce que je vis actuellement? Qui œuvre pour cette heure que je suis en train de vivre? Qui œuvre pour la position dans laquelle je suis maintenant? Et il est en train de rendre l'âme, radiyallahu anhu arda. Et il récitait ce verset, radiyallahu anhu arda, dont la traduction approximative nous dit cela: nous détournerons leur cœur et leur vie comme nous l'avons fait lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois. Abu Darda souvent allait s'asseoir au milieu des tombes. On lui a parlé de cela. Il a dit: je m'assois près de gens qui me rappellent où je vais aller, qui me rappellent ma demeure. Et quand je les quitte, ils ne me disent pas sur moi. Regardez toutes ces leçons. Ça, ce n'est que peu des leçons qu'il a léguées à cette communauté, Abu Darda, radiallahu anhu wa arda. Nous devons prendre, avoir constamment à lire la biographie de ces nobles compagnons, radiallahu anhu. Parce que c'est la mise en pratique de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alayna da'iman, an naqra'a fi siyari ashabi rasulillah, wa siyari s-salihin wa l'ulama. لأنها التطبيق الحقيقي لدين الله عز وجل ولأن فيها العبر والدروس بيوغرافي يبوك دروسون أغتنير فسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.